Trinity girl. C'est dans la violence, c'est la haine ou la jalousie, mes amis. C'est les trois affaires, va détruire la mienne, nos enfants. Si la te...